Mon secteur a craqué, j'ai le département qui boite. Ceux qui viennent nous attaquer, on sait déjà ça va finir comment. Sur la dernière page du roman, ça cartonne en ligne droite. Le frère s'est fait fumer, je sais c'est moi qui a choisi le moment. On se bat de nuit, sous les balles, la fin des souvenirs. Ainsi j'ai la rancœur qui résiste. On se bat de nuit, toujours dans la course avec une jambe en moins. C'est la vie qu'on vit, la vie qu'on vit. Et chaque fois tout recommence. C'est la vie qu'on vit, la vie qu'on vit. Et chaque fois tout recommence. J'ai vu son corps, c'est une fusillade. 93 hardcore, c'est une fusillade. Va y avoir du sport, c'est une fusillade. Pour un peu d'or, c'est une fusillade. J'ai vu son corps, c'est une fusillade. 93 hardcore, c'est une fusillade. Va y avoir du sport, c'est une fusillade. C'est la vie qu'on vit, la vie qu'on vit. Et chaque fois tout recommence. C'est la vie qu'on vit, la vie qu'on vit. Et chaque fois tout recommence. Yeah.